Bonjour à toutes et tous. Merci pour vos interventions qui, effectivement, sont assez intéressantes. Je comprends, monsieur Carré, pourquoi ça peut mener à débat vos propos. Après, ça chatouille un peu parfois. Mais je vais tenter de faire une présentation assez ordonnée. Hein. Je vais peut-être commencer par une réaction sur les élites de la nation. Ça fait très longtemps que je n'avais pas entendu ce terme. Et c'est vrai que je l'ai entendu beaucoup pendant mes études, assez souvent. À chaque fois, personnellement, j'avais l'image comme quoi, quand vous êtes élite de la nation, vous rentrez en S, et puis après, vous faites à la fac de droit, et puis après l'école, vous êtes l'élite, etc. À chaque fois, j'avais l'image, vous savez, qu'on est dans les nuages, et on regarde la France. Et je pense qu'il faut essayer de ne pas trop y croire, parce que l'atterrissage peut être compliqué. Une fois que vous prenez votre poste de haut fonctionnaire, ouais. C'est pas la même élite. Mais du coup, je trouve ça un peu... ça m'a fait du bien de me replonger dans ces années où on rêve. Mais pour faire la suite, par rapport aux cadres intermédiaires, j'ai entendu aussi la petite main de Dénard sur les IRA, etc. Alors bon, je vais parler en tant que directrice d'hôpital, certes, donc pour la FPH, puis aussi sur ce que pense l'association RP21 sur le management et l'évolution. Voilà, moi je ne suis pas du tout d'accord avec la vision des petites mains, des grandes mains, etc. C'est vraiment quelque chose, j'essaie d'arrondir les angles, mais c'est quelque chose que je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Donc c'est compliqué de trouver une nuance, parce que ça part du principe, du postulat que les énarques, ou alors, excusez-moi du terme, mais en tout cas les cadres dirigeants, on va dire, sont déjà compétents à la base, pour avoir des petites mains. Sachant qu'en France, je pense que c'est l'un des pays, voire le seul, qui permet à des moins de 30 ans de gérer 700 millions d'euros de budget dans son CHU, de rentrer à la Cour des comptes. Voilà. Donc ça part du principe qu'il y a une compétence a priori, qui n'est souvent pas le cas. En tout cas, pour moi, je n'étais pas compétente quand je suis arrivée sur mon premier poste de directrice. Donc ça, c'est pour ça déjà que là, j'ai un petit problème. Puisqu'on met le cadre intermédiaire, si on prend le parcours externe, cadre intermédiaire, cadre supérieur, deux externes, on les met dans une situation de dépendance alors qu'on n'est même pas sûr qu'il y en ait un qui ait la compétence. C'est-à-dire que le cadre intermédiaire va être dépendant de son cadre dirigeant, donc c'est fort dans l'État, c'est aussi fort dans l'hospitalière, on est très hiérarchique. Un peu moins dans le sens où une fois qu'on est à l'hôpital, en général, on redescend un petit peu d'un cran puisque s'il y a beaucoup de jeux de pouvoir dans les systèmes hospitaliers entre les médecins, les soignants, les administratifs. Donc ça nous oblige à s'assouplir en tant que cadre dirigeant. Et puis il y a aussi le jeu avec les collectivités, très souvent dans un système hospitalier qui dilue un peu l'empreinte hiérarchique par rapport à l'État, qui peut rester très longtemps dans une hiérarchie qui est rigide. Donc sur ce sujet-là, j'ai perdu, parce que ma chef m'appelle, j'ai perdu le film du coup. Excusez-moi. Oui, donc voilà, donc sur la dépendance, c'est gros bémol. Sur la santé publique, donc pour un peu d'historique très rapide, parce que c'était l'École nationale de la santé publique, donc en 45 en même temps que l'ENA, et qui a été transformée en École des hautes études en santé publique en 2008. Pour intégrer une dimension universitaire, recherche internationale beaucoup plus importante. Donc une différence par rapport aussi aux IRA, c'est que les attachés d'administration hospitalière sont formés dans la même école. Donc les directeurs et les attachés sont à la même école, donc on se connaît bien. Parce que même si on doit aller à la scolarité ensemble et qu'on doit respecter les heures de cours, ça n'empêche pas qu'il y ait une partie qui reste étudiante. Donc on sort dans la même soirée, finalement, pour être trivial. Donc ça permet de créer un lien qui est à la fois parfois délicat quand on se retrouve en poste quelques années plus tard avec un rapport hiérarchique et à la fois très intéressant puisque pour une relation managériale c'est intéressant de se connaître de se connaître et d'avoir eu le même ancrage commun dans une école qui est censée vous donner les codes pour travailler dans la santé. Ça m'amène aussi à évoquer lentement mais sûrement la question du rapport hiérarchique entre le cadre intermédiaire et le cadre supérieur. Donc je fais peut-être référence à ce que vous venez de dire, Madame Rovitaille, c'est sur le contenu du travail des attachés. Je pense que j'y vois aussi une évolution du fait de l'intensification du travail, donc c'est un petit peu avec le virage numérique qui fait que Effectivement, aujourd'hui, il y a un certain nombre de compétences techniques qui sont aussi attendues d'un attaché à l'hôpital, juridique, financière, logistique. Enfin, il peut y avoir dans tous les domaines de compétences un attaché, et aussi généraliste dans les plus petites structures. Si vous travaillez dans un CHU qui a 10 000 salariés, un attaché va être compétent sur la gestion des carrières, à la paie, à la DRH, etc., va être très cloisonné. Si on est dans un EHPAD ou de 50 ou 80 salariés, l'attaché va être affaires générales, limite un directeur. Donc voilà. Et selon l'intensification du travail, selon les tâches qui vont être remplacées par des phénomènes de plus en plus automatiques, l'attaché va aussi du coup devoir changer ses missions et aller vers plus de management, de liens, de contrôle, plutôt que de production technique en fonction des filières. Donc il y a ça, et sur le rapport hiérarchique. Donc, j'ai été rassurée de voir que dans les IRA, depuis très longtemps, le management est mis dans les formations. Personnellement, je suis sortie de l'école en 2018. J'ai eu 3 jours de gestion de projet sur 24 mois de formation. Après, je ne suis pas allée à tous les cours pendant 24 mois, mais quand même, ce qui est quand même très, très peu, je trouve, pour un cadre dirigeant, avec effectivement l'idée du management vue comme une façon d'être, un éthos, etc., etc. Donc, il suffit de mettre un tailleur, d'avoir les codes, etc. Bon, pour moi, ce n'est pas ça le management. Et d'ailleurs, on voit les difficultés que ça peut amener une fois sur le terrain. Et puis, l'incompétence derrière cette façade, surtout quand on est jeune. Les internes, c'est un peu différent. Mais les jeunes cadres dirigeants vont se cacher derrière une façon d'être qui ne reflète pas le management, qui reflète peut-être les codes du pouvoir, de la stratégie, du positionnement, mais qui ne reflète pas des compétences de management. Donc ça, c'est une vraie difficulté et qui va être compensée, en tout cas, c'est mon expérience, par les attachés, beaucoup dans les hôpitaux, qui, eux, clairement, ont été, par le biais technique, ont été très tôt mis dans les compétences managériales, animer une réunion. Faire le premier filtre avec les syndicats. Donc, vous avez évoqué, alors je sais plus, c'était un terme plus subtil, mais pour dire fusible. Je ne sais pas comment vous avez dit. Voilà, voilà, c'est eux qui sont mis en avant quand il y a un problème pour temporiser, hein, temporiser, effectivement. Et donc, ça a conduit à des compétences managériales, puisque c'est la négociation. Le temporiser, animer, piloter, décliner un quota stratégique. Et c'est ce qui est attendu en réalité d'un cadre dirigeant. Voilà. Donc, il vaut mieux pas arriver en tant que cadre dirigeant avec un attaché qui va tout attendre de vous alors que vous ne savez même pas ce qu'on peut attendre de vous-même quand vous prenez votre poste de cadre. Et donc, souvent, on se retrouve sur des situations avec des jeunes directeurs sur l'attaché qui vous forme. En fait, enfin moi, je suis sur les premiers postes techniques. Clairement, moi, j'aurais pas eu mes attachés, je n'aurais pas pu avoir de compétences sur mon poste. Donc ça aussi, c'est quelque chose, je crois, à avoir en tête. Et puis retrouver un peu d'humilité. Ça me fait penser à la notion de flexibilité. On demande aux attachés d'être flexibles. Pour moi, être flexible, c'est s'adapter à une institution, à une organisation et à son chef. Bon, mais si votre chef a, enfin. Pour moi, c'est plutôt au chef déjà d'être aussi flexible et surtout d'être agile, c'est-à-dire de se dire, OK, qu'est-ce qui relève de moi, qu'est-ce qui relève de vous, et comment on peut co-construire effectivement, comme vous l'avez dit ensemble, parce que souvent, le dirigeant ne sait pas, en fait. Je crois que c'est faux, surtout en début de carrière. Et attention aux postures, du coup, surtout du dirigeant par rapport à l'attaché, de dire, non, non, mais je sais, j'ai la stratégie, c'est moi qui décide, rends-moi mes notes. Donc ça, c'est trivial, mais c'est plutôt comme ça que ça se passe, en tout cas en début de carrière. Ensuite, donc ça, c'était sur le rapport hiérarchique. Donc, dans le cadre de l'association des jeunes agents publics, on réinterroge ce rapport hiérarchique sans vouloir évidemment dire ah, c'est l'anarchie, tout le monde c'est l'entreprise libérée, etc. Pas du tout. Mais c'est juste que vous avez parlé de ruissellement. Non, mais c'est vrai que voilà, ça peut exister, hein, quelque chose comme ça. Après, est-ce que dans l'inverse, ça n'existe pas aussi, sachant que, voilà, personnellement, j'ai beaucoup de mal à adhérer à cette idée, même si je vois que parfois ça marche, par exemple en crise, etc. Voilà. Mais souvent, c'est quand même les équipes qui imprègnent aussi le cadre dirigeant de la marche à suivre. Et donc, encore une fois, l'attaché est aussi cet échelon en général pertinent, surtout dans les grandes organisations, pour être le relais de ce désir-là, des équipes, de la température. Et donc, je pense qu'il y a un grand intérêt, en tant que dirigeant, d'être à l'écoute de ce cadre intermédiaire qui a souvent, plus que le dirigeant, la température du terrain. Et c'est sur ça qu'il faut compter pour pouvoir diriger, en tout cas, l'organisation. Et le biais hiérarchique fait qu'il faut pouvoir laisser la place à l'attaché de faire remonter ces informations et de faire des propositions et qui peuvent aller jusqu'à l'opportunité. Et souvent, enfin, on peut rencontrer quand vous parliez de « oui, il ne faut pas être trop éloquent, etc. » en tant qu'attaché, ça existe des cas d'intermédiaires qui semblent un peu étouffés. Ils ont peur de se prendre pour le directeur, etc. De toute façon, ce n'est pas eux les directeurs. Donc, là, il n'y a pas de sujet. Voilà, qu'on est attaché ou on ne peut pas signer à la place du directeur. En revanche, proposer et arriver dans une relation de collaboration au vrai sens du terme, c'est ce qui est attendu, à mon sens, en tout cas à l'hôpital. Parce que à l'hôpital, tout peut aller bien une journée et le lendemain, il y a le Covid. Enfin, donc ça peut très vite changer d'ambiance et les attachés sont vraiment attendus sur jusqu'à proposer des mesures d'opportunité qui sont plutôt stratégiques, mais ils sont attendus là-dessus. Donc ça, c'était sur le rapport hiérarchique, en tout cas la façon dont je peux vous le transmettre. Les écoles, j'en ai parlé. Donc c'était le quatrième point. Je voulais du coup peut-être partir plus sur la perspective qu'on peut donner au management et à la managérialisation des choses. Alors le management, c'est vrai que c'est un mot intéressant. C'est surtout les compétences de relations entre les uns et les autres. Je pars du principe que dès lors qu'on a une personne dans son service, on est manager. Voilà, et hiérarchique. Et si on n'a pas de hiérarchie, on est manager aussi, puisqu'on doit forcément interagir avec des personnes. À moins, je sais pas, si peut-être que vous faites un travail, vous vous interagissez avec personne, mais si ce n'est pas le cas, en général, on doit avoir des compétences managériales et relationnelles. Donc, sur l'aspect flexibilité-agilité, la flexibilité, c'est s'adapter coûte que coûte à l'organisation. Voilà, pourquoi pas transformer un peu le modèle vers l'agilité qui est je m'adapte à l'organisation dans la limite de mes capacités personnelles. C'est-à-dire que je vais pas je me connais, je sais me positionner, l'organisation demande ça, est-ce que je peux le faire ou pas, et ça nécessite de se connaître. Et c'est vrai que c'est ni en 5 jours qu'on peut faire ça, ni même sur une école de formation, ni même en mettant un tailleur, en disant bonjour madame, etc. Ça, c'est un apprentissage qui est souvent aussi personnel et qui peut arriver tard, en tout cas dans les études, et qui surtout se transmet. Donc c'est aussi la question de la transmission lorsque vous arrivez, vous êtes cadre intermédiaire ou cadre dirigeant, qui est-ce qui vous transmet les compétences en management? Donc les profs à l'école peuvent être des praticiens de la fonction publique, donc ça peut commencer, mais c'est souvent en poste où vous avez une transmission, vous trouvez un mentor dans votre stade, etc. Et ça, c'est essentiel, que ce soit pour un attaché ou pour un directeur, d'avoir cette transmission-là des compétences relationnelles, d'adaptation, etc. Avec aussi, je crois, une dimension, en tout cas à l'hôpital, c'est très fort, puisque la crise est réelle, hein, dans les hôpitaux, on va changer d'étape, c'est une étape où l'organisation hospitalière doit vraiment se revoir de fond en comble, donc ça prend plusieurs années, ça va être long. En tout cas, il y a vraiment cette bascule qui est en train de se faire sur le management à la performance, le lean management, etc. Bon, c'est très bien, il y a des très bons éléments là-dedans, mais comment on remet aussi de l'humain, sans vouloir être avec que des mots, mais remettre de l'humain, ça veut dire comment on replace la priorité managériale en pariant sur le fait que l'épanouissement des managers, des cadres intermédiaires et des équipes va de toute façon servir les intérêts du service public, et quand même il les servirait un peu moins, c'est quand même la priorité, puisque le management, si on part du principe que c'est de pouvoir faire avancer un projet, une boîte, en général les personnes elles avancent parce qu'elles y trouvent un intérêt. Je crois que c'est ça aussi la réflexion qui, plus largement, sur le management, a mené dans la fonction publique. et qui peut-être a été à un moment donné un peu empêchée ou un peu restreinte par cette culture de la hiérarchie, du devoir de réserve, de l'obéissance, et puis de la projection a priori que la haute fonction publique, entre guillemets, en fonction des cadres dirigeants, on va dire supérieurs, savent tout. Par expérience, on a déjà attendu des choses quelquefois de moi. Je me souviens, ça fait 5 ans que je fais ça. Voilà. En fait, non, on ne sait pas du tout. Et avec une incapacité, surtout en début de carrière, de pouvoir l'assumer, parce que vous avez tellement, il y a tellement une projection immense sur la fonction. Et ça, c'est culturel, je pense.